Sextus Caecilius était un jurisconsulte très versé dans la connaissance des lois romaines et dont l'autorité égalait le savoir et l'expérience. Un jour, dans la cour palatine, nous attendions ensemble le moment de saluer l'empereur. Le philosophe Favorinus l'aborde et s'entretient avec lui en présence d'un grand nombre d'auditeurs. Ils viennent à parler des lois décemvirales que les décemvirs, créés à cette fin par le peuple, rédigèrent et firent graver sur 12 tables. Dans ces lois, Sextus Caecilius, qui avait étudié celles de tant d'autres villes, louait la justesse exquise et la précision du style. Cela est vrai en général, répondit Favorinus, et je n'ai pas lu ces 12 tables avec moins de plaisir que les 10 livres de Platon sur les lois. Cependant, on ne saurait se dissimuler que les lois des décemvirales ne soient souvent très obscures, barbares quelquefois, ou, par un défaut contraire, trop douces et trop traitables quelquefois, enfin, embarrassantes dans l'application. Pour les obscurités, reprit Sextus Caecilius, il faut moins les imputer à ceux qui ont rédigé les lois qu'à ceux qui les lisent sans les comprendre. Il est vrai qu'il faut pardonner à ceux-ci de ne pas les entendre, car le temps a jeté son voile sur la langue et les mœurs de nos pères et a rendu par conséquent l'intelligence de leurs lois très difficile. Les 12 tables ont été écrites 300 ans après la fondation de Rome, et depuis cette époque jusqu'à nos jours, il ne s'en est guère écoulé moins de 700. Où trouveras-tu dans ces lois la dureté que tu leur reproches? Veux-tu parler de la loi qui punit de mort le juge ou l'arbitre nommé par le magistrat qui s'est laissé corrompre pour rendre sa décision? Ou de celle qui fait du voleur manifeste l'esclave de celui qui l'a volé? Ou de celle qui donne le droit de tuer le voleur nocturne? Dis-moi donc, toi qui as tant de goût pour l'étude de la sagesse, si la perfidie du juge, qui, contre toutes les lois divines et humaines, vend à prix d'or sa conscience, si l'audace intolérable du voleur manifeste ou la violence insidieuse du voleur nocturne ne te paraissent pas mériter la peine capitale? Ne me donne pas mon opinion, répliqua Favorinus. Tu sais que dans notre école, nous sommes plus habitués à examiner qu'à décider. Je me bornerai à citer un juge dont l'autorité n'est pas à dédaigner, le peuple romain, qui, tout en reconnaissant que ses crimes ne devaient pas rester impunis, a trouvé qu'il ne méritait pas de châtiment aussi sévère et laissait mourir de vieillesse et de désuétude ses lois d'une pénalité outrée. J'ai dit aussi que certaines dispositions péchaient par un excès de douceur. Par exemple, la peine édictée contre l'injure ne vous paraît-elle pas beaucoup trop faible? Si quelqu'un fait une injure à un autre, dit la loi, la peine sera de 25 as. Il faut être bien pauvre pour refuser à ce prix le plaisir de l'injure. Aussi, votre Quintus Labéon en lui-même n'approuvait pas cette loi. Il raconte à ce sujet, dans son commentaire sur les 12 tables, l'histoire d'un certain Lucius Veratius, homme d'une rare méchanceté, et aussi cruel que lâche. Son plaisir était de souffleter les hommes libres qu'il rencontrait. Un esclave le suivait, une bourse pleine d'as à la main. Et à mesure que le maître avait souffleté quelqu'un, l'esclave comptait au passant les 25 as allouées par la loi des 12 tables. Un semblable abus fit juger au préteur qu'il fallait laisser cette loi de côté et les détermina à nommer des récupérateurs pour l'appréciation des injures. Enfin, j'ai dit quelquefois, la loi était inapplicable. Je citerai celle du talion, qui est ainsi conçue, si j'ai bonne mémoire. Si l'on a brisé un membre et qu'il n'y a pas eu transaction avec le blessé, il y aura talion. Sans relever l'atrocité de la vengeance, je demande comment on pourra exécuter la loi à la lettre. Je suppose que celui dont le membre a été brisé va user de représailles. Comment s'y prendra-t-il pour mettre en équilibre l'offense et la peine? Si la blessure rendue excède ou varie, le ridicule se mêlera à l'atroce, car le talion naîtra du talion, et cela indéfiniment. Ici, Sextus Caecilius, embrassant Favorinus de ses deux bras. Non, lui dit-il, je ne me souviens pas d'avoir vu un homme qui connût mieux que toi, non seulement la Grèce, mais Rome même. Quel philosophe a jamais approfondi les lois de son école, comme toi, nos lois décemvirales? Mais garde-toi de mépriser ces lois du vieux âge, sur ce qu'elles sont pour la plupart tombées en désuétude. Tu n'ignores pas que pour être efficaces, les lois doivent changer et se modifier selon les mœurs du temps, la forme du gouvernement, les intérêts du moment et le genre ou le degré du mal à guérir. Elles ne sont donc pas immuables. Elles sont, comme le ciel et la mer, sujettes à des variations et des vicissitudes. Passons à la sanction pénale des injures. Si une amende de 25 as est une assez faible réparation, d'abord, elle n'embrassait pas toutes les injures. En second lieu, elle ne laissait pas de former une somme assez considérable, puisqu'à cette époque, l'as valait une livre. Les injures graves, faites aux esclaves, aussi bien qu'aux hommes libres, un os cassé par exemple, étaient plus sévèrement punis. Il y avait pour certaines injures peine du talion. Mais le talion, ami, tu l'attaquais un peu trop sévèrement. Tu as argumenté, avec beaucoup d'esprit contre la loi, pour prouver qu'elle était inapplicable. Il ne saurait jamais y avoir talion, disais-tu, puisque la rupture d'un membre ne balancera jamais exactement la rupture d'un autre membre. J'avoue, mon cher Favorinus, que la parité serait difficile à obtenir. Mais que voulaient les desservir ? Prévenir les voies de fait, ou les rendre moins fréquentes. Et ils ont cru qu'ils y réussiraient par la menace du talion. Enfin, je ne veux pas te laisser ignorer que les difficultés qui se levaient sur l'application du talion ramenaient nécessairement les parties devant le juge. En effet, le défendeur, qui n'avait pas voulu transiger, était condamné à la peine du talion. S'il ne voulait pas la subir, le juge estimait le dommage et convertissait le talion en une réparation pécuniaire. Ainsi, quand une transaction paraissait onéreuse à l'agresseur et le talion trop sévère, toute la rigueur de la loi se résolvait en une amende. Cette dissertation que j'abrège de Sextus Cecilius obtint l'approbation et les éloges de tous les assistants et de Favorinus lui-même, mais on vint nous annoncer que le moment était venu de saluer l'empereur et nous nous séparâmes.